إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons la lecture du long hadith mentionné par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le chapitre du repentir de son livre « Les jardins des vertus ». Dans ce hadith, comme on l'a vu, le noble compagnon Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu nous rapporte le récit de son repentir suite à son absence à l'expédition de Tabouk. Et nous avons vu dans le dernier cours la véracité de Ka'b, radiyallahu anhu, qui n'a pas menti au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ne lui a dit que la vérité. Et nous avons vu que deux autres de ses compagnons, radiyallahu anhuma, ont agi de la même manière. Suite à cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné qu'ils soient tous les trois boycottés, et plus personne ne leur parlait. Murar ibn Rabi' et Hilal ibn Humaya restaient cloîtrés chez eux et ne cessaient de pleurer, tandis que Ka'b radiyallahu anhu sortait pour accomplir la prière en groupe, mais personne ne lui adressait la parole ni ne répondait à ses salutations. Et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au moment où il se rendit auprès de son cousin Abu Qatada, qui était l'une des personnes qu'il aimait le plus. Malgré cela, lui aussi refusa de lui parler, ne répondit pas à son salam et refusa même de témoigner en sa faveur qu'il aimait Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque Ka'b radiyallahu anhu insista à plusieurs reprises et lui demanda « Ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager ?» Abu Qatada se contenta de lui répondre « Allah et son messager savent mieux. » Ka'b radiyallahu anhu fondit alors en larmes et le quitta. Puis il se rendit au marché, où il s'apprêtait à faire face à une nouvelle épreuve. Il dit, « Pendant que je circulais dans le marché de Médine, un abatéen, parmi ceux venus du Cham, pour vendre des denrées à Médine, disait, « Qui pourrait m'indiquer qui est Ka'b ibn Malik ?» Les gens le dirigèrent alors vers moi, jusqu'à ce qu'il vienne à moi, et me remit une lettre de la part du roi de Rassan, qui était un roi mécréant. Ka'b radiyallahu anhu dit alors, étant lettré, il précise cela car ils étaient peu nombreux à savoir lire à cette époque, je lus cette lettre dans laquelle était écrit, ceci dit, il nous est parvenu que ton compagnon, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est écarté de toi. Et Allah ne t'a pas mis dans une situation d'avilissement et de perte, c'est-à-dire ne reste pas là-bas, ne reste pas dans cette situation humiliée. Rejoins-nous et nous te consolerons. Nous te donnerons de l'argent, nous te donnerons des biens afin de te consoler et de te sortir de cette situation d'humiliation. Ka'b radiyallahu anhu alors dit, lorsque je lus cette lettre, je me dis, ceci fait aussi partie de l'épreuve. Je me dirigeai alors vers le four avec celle-ci, où je la jetai pour la brûler. On voit à travers cette partie du hadith, comment les gens du faux, parmi les adeptes du polythéisme et de la mécréance, ou encore les gens de l'innovation et de l'égarement, profite de toute occasion pour égarer les croyants. Lorsqu'ils voient qu'un croyant ou que des croyants sont dans une situation de faiblesse ou en difficulté, ils vont alors tenter de les détourner du droit chemin par tout moyen, en essayant de les acheter avec leurs richesses et leurs biens, ou autre chose semblable. Et vous n'ignorez certainement pas que c'est la méthode qu'emploient notamment ceux qui appellent au christianisme dans les pays pauvres, et qui se rendent dans les villages et autres avec de la nourriture et de l'argent pour ensuite acheter ces personnes avec leurs biens vils parmi les biens vils de ce bas monde. Et certains parmi ceux qui s'affilient à l'islam agissent également de la même manière, comme le font les chiites, qui utilisent de leurs biens et de leurs richesses pour se rendre auprès de personnes en difficulté, pour les égarer du droit chemin. Le musulman doit donc sans cesse être sur ses gardes et ne pas se laisser leurrer par cela. Si tu as la certitude que la religion de l'islam est la vérité, que le suivi de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la vérité, que le suivi de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, est la vérité, alors tu dois rester ferme comme une montagne aussi dures soient les épreuves, et ne pas te détourner du droit chemin sous prétexte que tu es éprouvé, sous prétexte que la situation n'est pas facile, sous prétexte que tu fais face à des difficultés ou autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cela dans son noble livre, lorsqu'il a dit au verset 11 de Surat al-Hajj, « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ » Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. « فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ يَتْمَأَنَّ بِهِ » S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. « وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ » Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage. « خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » Perdant ainsi le bien de ce bas monde et de l'au-delà. « ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ » Telle est la perte évidente. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit contre la faiblesse de la foi. Car il y a des gens qui ont la foi faible, dont la foi n'a pas pénétré entièrement leur cœur, et qui lorsqu'ils sont dans une situation confortable, lorsqu'ils ne sont pas éprouvés, qu'ils ne font face à aucune difficulté, alors ils sont tranquillisés non pas par leur foi, mais par la situation confortable dans laquelle ils se trouvent. Puis lorsqu'ils sont éprouvés, lorsqu'ils font face à une difficulté et que ces choses qu'ils aiment, ils en sont séparés. Alors tu les vois se détourner, wal'iyadu billah. On voit ici Ka'b radiyallahu anhu boycotté. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons, ni même les gens les plus proches de lui ne lui parlent. Il reçoit cette proposition d'un roi mécréant, qui veut l'honorer, qui veut le consoler et le sortir de cette situation difficile. Une personne à la fois faible aurait pu facilement se faire tromper et délaisser le droit chemin, voire même la religion tout entière. Mais Ka'b radiyallahu anhu était un croyant sincère. Et il comprit immédiatement que ceci était aussi une épreuve. Il aimait Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il était véridique. Il resta donc ferme sur sa religion et ne se laissa pas tenter, malgré la situation difficile qu'il traversait. Il patientait et attendait la délivrance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit également que Ka'b radiyallahu anhu ne s'est pas contenté de ne pas répondre à cette lettre. Mais il l'a brûlée. Pourquoi il l'a brûlée? Afin de fermer toute porte à la tentation. Que le diable ne vienne pas lui suggérer par la suite de répondre à cette lettre. On tire de cela une leçon immense, qu'il est recommandé pour le musulman de fermer toute porte pouvant le mener au mal, et de fermer toute porte aux tentations. Il ne faut pas se mettre en danger. Si tu sais qu'une chose peut te mener au péché, alors ne t'expose pas à cette chose, ne t'expose pas à cette situation, ne t'expose pas aux tentations. Et ne te sens pas plus fort que les autres. Ne pense pas être infaillible, car nous sommes tous faibles. Personne parmi nous ne peut prétendre pouvoir faire face aux tentations, faire face aux péchés et ne pas y tomber. Donc de la même manière que tu t'éloignes des péchés et des tentations, tu t'éloignes également des causes pouvant mener aux péchés et aux tentations. Et ça c'est très important. Et beaucoup de gens négligent cela. Ils veulent délaisser les péchés mais ils ne s'éloignent pas des causes. Ils se plaignent d'être tentés par ceci et cela, mais ne s'éloignent pas des endroits ou des moyens qui les exposent à ces choses par lesquelles ils sont tentés. Donc tire une leçon de cela. Tire une leçon de cet agissement du noble compagnon, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, qui a brûlé cette lettre, afin de fermer toute porte à la tentation et au péché. Ensuite il dit radiyallahu anhu, 40 jours sur les 50 passèrent, et la révélation tardait à venir. Durant 40 jours, rien ne fut révélé à son sujet, et au sujet de ses deux compagnons. Il y a une sagesse immense en cela, car nous tirons jusqu'à aujourd'hui de nombreux bénéfices de ce récit. Et il s'est produit la même chose lors de l'épreuve de Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle fut calomniée. La révélation tarda à venir également. Et il y a une grande sagesse en cela de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc 40 jours sont passés, et après 40 jours, un envoyé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint me voir et me dit, « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de t'éloigner de ta femme. » Je lui demandai, dois-je la divorcer ou que dois-je faire? Il me répondit, non, mais tiens-toi à l'écart d'elle et ne l'approche pas. Mes deux autres compagnons reçurent le même ordre. J'ordonnai alors à ma femme, retourne chez ta famille et demeure chez eux jusqu'à ce qu'Allah juge dans cette affaire. 40 jours qu'il est boycotté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Alors qu'il attend la délivrance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie quelqu'un lui ordonner de s'éloigner de son épouse. L'épreuve devient donc de plus en plus difficile. Malgré cela, regardez la fermeté de ce noble compagnon, radiyallahu anhu, qui s'empresse de se soumettre à l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il apprend qu'il doit s'écarter de son épouse, il demande simplement le détail de cet ordre, afin de s'assurer qu'il a bien compris ce qui est attendu de lui. Dois-je la divorcer ou que dois-je faire? L'envoyé de lui dire « Non, mais tiens-toi à l'écart d'elle et ne l'approche pas. » Il s'exécute immédiatement. Il fait même les causes pour pouvoir se soumettre pleinement à cet ordre et envoie son épouse chez sa famille et lui ordonne de demeurer chez eux jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala juge dans cette affaire. Il dit ensuite « La femme de Hilal ibn Umayya se rendit alors auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô messager d'Allah, Hilal ibn Umayya est un vieil homme, faible, qui n'a personne pour le servir. Réprouves-tu que je reste à son service ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Non, mais qu'il ne s'approche pas de toi. » Alors elle lui dit « Par Allah, il n'a de désir pour rien. Par Allah, il ne cesse de pleurer depuis le début de cette affaire jusqu'à aujourd'hui. » On voit ici l'impact de ce boycott sur ce noble compagnon, radiyallahu anhu. Et ceci nous montre que ses regrets étaient des regrets sincères. Il regrettait réellement ce qui s'était passé. Et cela démontre la véracité de son repentir. Il n'était pas indifférent à la situation, mais au contraire, il ne cessait de pleurer. Et il était tellement triste qu'il n'avait même plus aucun désir. Il ne s'approchait plus de son épouse, avant même que ceci ne lui soit ordonné. Et on voit à travers cette partie du hadith la bienveillance et la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui accepta que l'épouse de Hilal reste à son service. Et on voit également la politesse et les bonnes manières des compagnons radiyallahu anhum, et avant cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des modèles à suivre. Lorsqu'on parle de choses intimes, il n'est pas forcément nécessaire de mentionner toutes les choses dans leurs détails et par leur nom. D'autant plus si elles peuvent être comprises par de simples insinuations. Car ici, ce qui était visé par l'éloignement était l'éloignement des rapports intimes. Et les compagnons, radiyallahu anhum, ont compris cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent de pudeur à ce sujet. Et il est même surprenant de voir des personnes lors d'échanges publics, qui peuvent être observés ou entendus par tous, s'exprimer sur des détails de leur intimité, sans aucune gêne. Et ceci est contraire au bon comportement duquel doit se parer le musulman. D'autant plus lors des échanges entre hommes et femmes, comme lorsqu'une femme souhaite poser une question à une personne de science sur un jugement religieux. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'ensemble des détails, mais il faut faire preuve de pudeur, préserver son intimité, mentionner seulement ce qui est nécessaire afin de connaître le jugement religieux sur cette chose sans s'étaler. Et il n'est même pas nécessaire de mentionner que cela nous concerne. Mais il est suffisant de dire que doit faire une personne lorsqu'elle se retrouve dans telle ou telle situation. Et ceci est une manière de préserver son intimité et de faire preuve de pudeur, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Vous voyez donc les bonnes manières desquelles nous devons nous parer lorsqu'on parle de tels sujets, afin de faire preuve de pudeur et de préserver son intimité. Ensuite, Ka'b radiyallahu ta'ala anhu a dit, certains de mes proches m'ont alors dit, et si tu demandais au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation au sujet de ta femme, car il a autorisé la femme de Hilal d'être à son service. Je leur répondis, je ne demanderai pas l'autorisation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que dirait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam si je lui demandais l'autorisation alors que je suis un jeune homme? On voit ici la patience de Ka'b radiyallahu anhu et sa soumission complète aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné une chose, il ne discute pas. Il ne cherche pas à négocier. Il ne cherche pas à avoir une faveur. Non. Il lui a ordonné une chose, il s'y soumet pleinement. Ensuite, il dit radiyallahu anhu, je demeurai ainsi 10 jours, complétant alors à 50 le nombre de jours durant lesquels il fut interdit aux gens de nous parler. Puis au matin du 50e jour, je fis la prière de l'aube, la prière du Fajr, sur la terrasse de l'une de nos maisons. Et alors que j'étais assis dans l'état qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans le Coran nous concernant, c'est-à-dire que je me sentais à l'étroit dans ma propre personne, et que la terre me semblait étroite en dépit de sa grandeur. Soudain, j'entendis la voix d'un homme qui était monté sur la montagne de Sal'a, une montagne connue de Médine, et il criait à haute voix, « Ô Ka'b ibn Malik, réjouis-toi !» Je tombai alors prosterné et je savais que la délivrance était enfin arrivée. Après 50 jours d'épreuve, Ka'b radiyallahu anhu entend la voix de cet homme monter sur la montagne de Sal'a et dire, « Ô Ka'b ibn Malik, réjouis-toi !» Il comprit immédiatement que la délivrance était arrivée, que ceci annonçait la fin de son épreuve. Il se jeta alors prosterné. Et on voit à travers cela deux choses. La première est la recommandation d'annoncer les bonnes nouvelles réjouissantes, comme on va le voir dans la suite du hadith. Et la deuxième est qu'il est légiféré pour le croyant, lorsqu'il apprend une bonne nouvelle réjouissante, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble d'un bienfait ou le sort d'une épreuve, de se prosterner à titre de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'b radiyallahu anhu dit ensuite, en effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé après la prière du Fajr qu'Allah avait accepté notre repentir. Les gens se précipitèrent alors vers nous pour nous en annoncer la bonne nouvelle. Voyez comme ils se précipitent. Ils s'empressent d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Ils se rendirent également auprès de mes deux compagnons pour la leur annoncer. Un cavalier se dirigea vers moi au galop. Et un homme des Aslam accourut vers moi, puis monta sur la montagne pour crier. Et la voix fut plus rapide que le cheval. On voit qu'ils se concurrencent afin d'être les premiers à annoncer cette bonne nouvelle. Quand vint celui dont j'avais entendu la voix m'annoncer la bonne nouvelle, j'enlevai mes deux vêtements et je lui offris en guise de remerciement pour cette bonne nouvelle. Par Allah, je ne possédais à cette époque que ces deux habits. J'empruntai alors deux autres vêtements que j'enfilai et sortit à la rencontre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens me croisaient par vagues successives, et me félicitaient pour l'acceptation de mon repentir en me disant, félicitations pour l'acceptation de ton repentir. Vous voyez à travers cette partie du hadith, l'empressement des compagnons radiyallahu anhum, pour annoncer cette bonne nouvelle à Ka'b radiyallahu anhu, ainsi qu'à ses deux compagnons. Et on voit à travers cela à quel point les compagnons radiyallahu anhum aimaient pour leurs frères ce qu'ils aimaient pour eux-mêmes. Et ceci nous démontre la perfection de leur foi. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, « Nul parmi vous n'aura la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Ils se réjouissent de l'acceptation du repentir de leur frère. Ils s'empressent donc de leur annoncer. Et on voit donc la recommandation d'annoncer les bonnes nouvelles réjouissantes. Car c'est une chose qui va faire entrer la joie dans le cœur de ton frère. Et c'est pour cela que c'est recommandé. Car ceci est une bonne action de faire entrer la joie dans le cœur de tes frères et sœurs. Et tu ne dois pas négliger cela. Notamment avec les gens qui te sont les plus proches, les gens de ta famille, les gens de ton foyer. Si tu sais qu'une chose ou qu'une parole peut les réjouir, ne sois pas avare, mais réjouis-les par ces simples paroles. Des paroles qui ne te demandent aucun effort. Et annonce-leur les bonnes nouvelles. Fais entrer la joie dans leur cœur. Ne sois pas de ceux qui ne font que parler de choses négatives, que de problèmes, que de choses qui attristent. Ceci est un comportement blâmable. Mais le musulman, il doit veiller à annoncer les bonnes nouvelles, à réjouir les cœurs de ses proches et à ne pas se lasser de cela. On voit également, à travers cette partie du hadith, que le boycott, qui est légiféré, n'est pas une forme de malveillance envers la personne boycottée. La preuve ici est que tous les compagnons, une fois la période terminée, se sont réjouis pour Ka'b radiyallahu anhu et ses deux compagnons. Ils se sont empressés de leur annoncer la bonne nouvelle. Ceci est donc une preuve qu'ils ne voulaient que leur bien, car ils se sont réjouis de leur repentir. Et c'est ainsi que se doit d'agir le croyant. Se réjouir du repentir de ses frères. Se réjouir du repentir de ses sœurs. Et ne pas faire comme le font certaines personnes aujourd'hui, qui vont parfois conseiller quelqu'un au sujet d'une erreur, au sujet d'un péché. Puis une fois que cette personne se corrige, se repent et revient à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils ne s'en réjouissent pas. Au contraire, il se peut même qu'ils persistent à dénigrer cette personne pour ce péché et à la rabaisser, ou pire encore, à remettre en question son repentir. Et ceci est contraire au comportement que se doit d'adopter le croyant. On voit également à travers cette partie du hadith qu'il est légitime, lorsqu'on t'annonce une bonne nouvelle, de rendre l'appareil, de rétribuer en bien celui qui t'annonce cette bonne nouvelle. Regardez Ka'b radiyallahu anhu, il a offert ses vêtements à cet homme. Il lui a fait un cadeau pour le remercier d'avoir été le premier à lui avoir annoncé cette bonne nouvelle. Donc si une personne t'annonce une nouvelle qui te réjouit, il est légiféré que tu lui fasses un cadeau ou au moins que tu invoques en sa faveur et que tu la remercies. Également, on voit qu'il est recommandé de féliciter celui qui se repent, de bien l'accueillir, de lui faire honneur. Tu dois faire attention à ne pas mettre de côté une personne qui s'est repentie. Mais si tu vois une personne qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui fait les premiers pas sur le chemin de la droiture, encourage cette personne. Sois bienveillant envers cette personne. Encourage-la à rester ferme. Soutiens-la et félicite-la pour ses efforts qu'elle fait. Même si ses efforts te paraissent minimes et qu'elle doit en faire plus encore. Mais encourage-la afin qu'elle reste ferme sur ce chemin. Et prends garde à ne pas faire fuir cette personne, que ce soit par de mauvaises paroles ou un mauvais comportement. Ensuite, Ka'b radiallahu anhu a dit, une fois entré à la mosquée, je trouvais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam assis et les gens étaient autour de lui. Talha ibn Ubaidillah radiallahu anhu se leva et se précipita vers moi. Puis il me serra la main et me félicita. Il le félicita pour son repentir. Ka'b dit ensuite par Allah, aucun des émigrés en dehors de lui ne se leva. Et Ka'b n'oubliait pas ce geste de la part de Talha. On voit ici la permission de se lever pour aller saluer quelqu'un ou pour aller le féliciter. Et il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'une personne arrive à se lever pour aller vers elle, pour lui serrer la main, lui faire une accolade et la saluer. Et on voit une fois de plus la joie des compagnons et le bon accueil qu'il réservait à Ka'b radiallahu anhu et qu'il se réjouissait de voir son repentir accepté. Ka'b radiallahu anhu a dit, lorsque je saluais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il me dit, le visage resplendissant de joie, réjouis-toi du meilleur jour de ta vie depuis que ta mère t'a enfanté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réjouit de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accepté le repentir de ses compagnons qui avaient été véridiques avec lui. Et il lui annonça cette bonne nouvelle que ce jour était le meilleur jour de sa vie car Allah a révélé du Coran à son sujet. Des versets du Coran qui seront récités jusqu'à la venue de l'heure. Et il n'y a pas de doute que ceci est une grâce immense de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ka'b de dire, ô messager d'Allah, cela vient-il de toi ou d'Allah? Il répondit, non, cela vient plutôt d'Allah. Et ceci nous montre que le mérite est encore plus grand et plus immense. Il dit ensuite, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, éprouvait de la joie, son visage s'illuminait comme un pan de lune. Et nous savions cela de lui, c'est-à-dire de par son apparence. Après m'être assis devant lui, j'ai dit, ô messager d'Allah, il fait certes partie de mon repentir, de mon retour vers Allah, que je me sépare de tous mes biens en guise d'aumône pour Allah et son messager. Il veut faire une aumône, afin de compléter son repentir. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, garde une partie de ton argent, ceci est mieux pour toi. Ka'b de dire, alors je conserverai ma part du butin de Khaybar. On voit ici qu'il est légiféré pour toute personne qui se voit comblée d'un bienfait, de faire une aumône à titre de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement après le repentir. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et te permet de délaisser un péché, de revenir à lui, alors il est possible pour toi de faire suivre ce repentir d'une aumône pour parfaire ton retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé cela de Ka'b et l'a approuvé. Et on voit également à travers cela la bienveillance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a conseillé de garder une partie de ses biens et de ne pas tout donner. Il s'est donc soucié de la situation de son compagnon sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu. Ka'b dit ensuite, ô messager d'Allah, Allah ne m'a sauvé que par la véracité. Il fait donc partie de mon repentir que je ne dise que la vérité tant que je serai vivant. Par Allah, depuis que j'ai dit cela devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne connais pas un musulman qu'Allah a éprouvé par le fait de tenir des propos véridiques mieux qu'il ne m'a éprouvé. Par Allah, depuis ce jour où j'ai dit cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pensé à mentir. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala me préservera sur cela durant le restant de mes jours. On voit ici le mérite de Ka'b, radiyallahu anhu, et comment il resta ferme sur la véracité. La véracité qui est une noble qualité de laquelle doit se parer le croyant car c'est une cause de salut. Et on a mentionné cela dans le premier cours, que le mensonge n'est pas une solution, mais que l'on doit faire prévaloir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala bien plus que la crainte des gens. Et on tire ici également un enseignement immense, qui est que la personne, même si elle est ferme sur une bonne action, elle ne doit pas se reposer sur cela, mais elle doit être consciente que son avenir est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit donc demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la raffermir sur le bien et ne pas se sentir à l'abri de l'égarement. Regardez ici Ka'b radiallahu anhu, alors qu'il est âgé, il dit qu'il n'a jamais menti depuis ce jour-là, qu'il n'a jamais même pensé à mentir. Puis il dit qu'il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préservera sur cela. Durant le restant de ses jours, il ne se sent pas à l'abri, mais il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala afin de rester ferme. Donc ne pense pas que, sous prétexte que tu as réussi à être assidu à une œuvre de bien ou au délaissement d'un péché, ne pense pas que ceci est gagné. Tant que tu as encore en vie, tu peux être éprouvé. Tu ne dois donc pas te laisser leurrer par ta personne ni te vanter, mais tu dois être conscient que tu ne pourras rester ferme que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc t'en remettre à lui et l'invoquer afin qu'il te raffermisse. Ensuite il dit, Allah fit descendre ces versets, c'est-à-dire à notre sujet, ceux dont le sens rapproché est, certes Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des Ansar, qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il a accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant repentir le miséricordieux. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ceci est la traduction rapprochée des versets 117 à 119 de la Surat At-Tawbah. Ka'b radiallahu anhu ensuite dit, par Allah, après avoir été guidé à l'islam, Allah ne m'a jamais comblé d'une grâce plus grande que celle d'avoir été véridique avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si j'avais menti, j'aurais péri, comme ont péri ceux qui ont menti. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de ceux qui avaient menti la pire des choses qu'il ait dites pour caractériser une personne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, selon le sens, « Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux, ils sont une souillure, et leur refuge est l'enfer, en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. » Même si vous les agréez, on a vu dans le début du récit, que les hypocrites venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam présenter certaines excuses, jurer de leur bonne foi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur et les laissait partir. Mais est-ce que ceci leur fut profitable? Non. Ils sont une souillure et leur refuge est l'enfer. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Donc le croyant véridique, il ne ment pas. Car le mensonge est un signe de manque ou de faiblesse dans la foi. Et c'est un signe de l'hypocrisie. Il est donc obligatoire pour le croyant de prendre garde au mensonge et de veiller à être toujours véridique. Ne pense pas que c'est un péché sans gravité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez véridique, car la véracité mène à la bonté et la bonté mène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique et de chercher la véracité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un véridique. » Et prenez garde au mensonge, car le mensonge mène à la perversion, et la perversion mène en enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ka'b radiallahu anhu continue et dit, notre cas à nous trois fut différent du cas de ceux dont les excuses furent acceptées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au moment où ils jurèrent de leur bonne foi et qu'il leur fit prêter serment d'allégeance et implora le pardon d'Allah en leur faveur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam laissa notre cas en suspens jusqu'à ce qu'Allah juge de notre cas. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens, et des trois qui étaient restés à l'arrière. À l'arrière ne signifie pas à l'arrière de l'armée, mais Cela signifie que notre cas était resté en suspens, contrairement à ceux qui avaient juré de leur bonne foi et s'étaient excusés auprès de lui et dont il avait accepté les excuses. Et ce hadith est donc rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc cela nous confirme ce que l'on avait dit dans le premier cours sur la lecture de ce hadith, que le mensonge peut parfois te sortir d'affaire en apparence sur le moment, mais à long terme, les conséquences du mensonge sont regrettables. Alors que la véracité est une cause de salut et son issue est louable, bi'inillahi ta'ala. Ensuite, Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, et dans une autre version, il est mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait en vue de l'expédition de Tabouk un jeudi, et il aimait partir en voyage le jeudi. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentrait de voyage que de jour, dans la matinée. Lorsqu'il arrivait, il commençait par se rendre à la mosquée, où il accomplissait 2 unités de prière, puis il s'asseyait. Donc on voit dans cet ajout la recommandation, lorsqu'une personne souhaite voyager, de partir le jeudi, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on voit également la recommandation de revenir durant la journée, et plus particulièrement le matin, de ne pas revenir au milieu de la nuit, de ne pas surprendre sa famille en pleine nuit, mais plutôt de venir le matin afin qu'il puisse t'accueillir comme il se doit et ainsi de suite. Et on voit, comme on l'a déjà mentionné dans un cours précédent, la recommandation de commencer par se rendre à la mosquée pour prier 2 unités de prière surérogatoire comme le faisait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en résumé, on voit dans ce hadith l'importance de la véracité et de la patience dans le repentir, l'importance d'avoir des regrets, l'importance d'avoir la volonté de ne pas commettre à nouveau le péché, mais de rester ferme sur le bien, sur les bonnes actions et sur le délaissement des péchés. Et on voit également la légitimité d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala après le repentir, de retourner vers lui par l'obéissance, comme en faisant une aumône, et en s'engageant et en ayant la ferme volonté de rester ferme sur le bien et les bonnes actions comme l'a fait Ka'b, radiyallahu anhu, qui est resté ferme sur la véracité. On a donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture de ce hadith et dans le prochain cours, nous verrons les derniers hadiths du chapitre du repentir, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم